Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veillon. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de Marie Besson de Dolbeau-Missassini qui était en Roumanie en fin de semaine. Et la judokate a remporté une victoire et a subi deux revers. Sa victoire plutôt est survenue contre Condatra Lucu de Roumanie. Hier, on a parlé avec le golfeur Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre Bédard qui a joué son premier tournoi professionnel la semaine dernière à Victoriaville. Et il a joué 72 pour terminer au 21e rang. Et il était très content de sa performance. Écoute, avant le tournoi, je m'étais donné comme objectif de faire un top 20. Okay. J'étais très satisfait comme premier tournoi. Oui, je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait. Le terrain était en très bonne condition. Je me sentais bien aussi sur le parcours. Non, je suis vraiment satisfait. Je me sentais comme un tournoi à ma part, en fait. Là, j'ai pas vu nécessairement de différence niveau stress mentalement. Mm. Puis ma game était très bonne. Puis j'ai vu que j'étais calibre là, pour compétitionner avec ces professionnels-là. OK. Et dans un deuxième temps, il nous mentionne que le terrain était pas si différent que lors des tournois de golf amateur. Le terrain était pas différent. Okay. Les conditions étaient quand même bonnes les trois premières journées. Dernière journée, j'ai venté assez fort, là, comme j'ai rarement vu en fait au Québec. Okay. J'ai même vu un arbre, un bon tronc cassé en arrière de moi sur un coup de départ. Puis les conditions étaient bonnes. C'est un terrain qui est un petit peu différent par contre, là, avec 6 par 5, 6 par 3 et 6 par 4. On n'a pas l'habitude de voir ça souvent. Fait qu'on avait des chances de se rattraper quand même pas mal avec les par 5, puis il fallait capitaliser. Okay. J'en ai profité pour jouer moins 14 sur les par 5. Puis c'est. Non, je suis vraiment content. Je termine 21e avec moins 4 au total. J'ai commis un quadruple ma troisième journée au 18e trou pour terminer. Donc, j'aurais pu faire un top 10 en fait. Puis là, je m'en vais jouer au Manac là, à Saint-Georges-de-Beauce jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Un autre tournoi de même calibre, professionnel. Donc, je reste encore. On va parler de golf toujours. C'était la Coupe des champions en fin de semaine à Chibougamau. C'était les gagnants de chaque finaliste qui s'affrontaient pour déterminer le grand vainqueur. Donc en classe A, c'est Sean Oprizov qui a remporté la victoire avec une moyenne de 72. Classe 2B, la victoire est allée à Régis Perron avec 80. Et en classe B, c'est Vincent Delay qui a été le meilleur avec 91. 12 joueurs étaient présents pour la circonstance. On a parlé également avec David Ménard des Lions de la Colombie-Britannique qui est natif de Chicoutimi. On sait que David Ménard est à sa troisième année avec les Lions de la Colombie-Britannique et il a été blessé au cours de la saison et il revenait la semaine dernière au jeu et donc ça va très très bien pour le porte-couleur natif des Lions. Ça va très bien. Moi, personnellement, j'ai eu un début de saison un peu plus lent, surtout avec ma petite blessure qui s'est produite il y a deux semaines, mais là tout va bien, je reviens au jeu cette semaine, puis je regarde de l'avant, puis je travaille très très très très fort pour d'un revenir au jeu à 100%, puis de deux améliorer toutes les. Et David Ménard veut travailler sur différents aspects de son jeu. C'est des points techniques, la façon que j'attaque mes blocs, la façon que je vois pass rush, c'est surtout c'est tout plein de petits points techniques, surtout avec mes mains, comment j'utilise mes mains, puis c'est vraiment ça là, de faire plusieurs répétitions. Je fais beaucoup de travail en extra par moi-même pour vraiment en arriver à un point que je vais juger satisfaisant, puis c'est surtout ça. OK. Et avec la période automnale qui arrive à grands pas, ben les différents clubs ils vont de leur période d'inscription. C'est qu'entre autres du hockey mineur de Roberval, les inscriptions auront lieu le mercredi 30 août ainsi que jeudi le 1er septembre de 18h à 20h30 au complexe sportif, au centre sportif plutôt Benoît Lévesque de Roberval. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Sébastien Morin. C'était la première chronique des Saguenayens de Chicoutimi. Également, je me suis entretenu avec David Ménard des Lions de la Colombie-Britannique. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.